est-il possible d'arrêter un futur criminel avant qu'il ne passe à l'acte? De prévoir le crime pour empêcher qu'il ne se réalise? C'est ce qu'avait imaginé l'écrivain Philip K. Dick dans sa nouvelle Minority Report publiée en 1956. Le film qu'en a tiré Spielberg bien des années plus tard a donné une renommée mondiale à cette police prompte à dégainer la boule de cristal. Aujourd'hui, les logiciels de prédiction de la criminalité sont devenus une réalité, particulièrement aux États-Unis. Mais cela ne va pas sans poser d'épineuses questions éthiques, juridiques et technologiques. Voilà la police prédictive. C'est le sujet faussement futuriste que nous traiterons dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Alors pour parler de la police prédictive, pas des futurologues, mais de fins connaisseurs de ce que peuvent faire les algorithmes aujourd'hui en matière de prévention de la délinquance sont les invités de la méthode scientifique. Anne-Sophie Chavan-Leclerc, bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférence à la faculté de droit de l'université Jean Moulin Lyon 3, directrice de l'Institut d'études judiciaires de Lyon, directrice du Master 2 Sécurité intérieure et avocate. Bilel Bembouzid, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, maître de conférence à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. Vous travaillez au laboratoire interdisciplinaire Sciences, Innovation et Société. Vous êtes directeur du tout nouveau Master, si j'ai bien compris, études numériques et innovation, qui est également à Marne-la-Vallée. Enfin, nous sommes en direct depuis les locaux de nos amis de France Bleu Occitanie à Toulouse avec Philippe Bess. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Institut National des Sciences Appliquées, l'INSA, de Toulouse, au département de génie mathématique et modélisation. Alors, comme tous les jours, vous pouvez écouter cette émission en direct sur les ondes de France Culture, mais la séance de rattrapage est possible. Vous pouvez écouter l'émission en replay sur le site de France Culture, franceculture.fr, ou en podcast avec votre appli préférée. Mais évidemment, la méthode scientifique, c'est aussi sur les réseaux sociaux. Il faut nous suivre sur Twitter à l'adresse @laméthodefc. Nous publierons pendant toute l'heure qui vient les informations, les liens vers les papiers, les photos, les documents qui vont bien pour compléter la discussion. Alors pour commencer cette méthode scientifique, j'aimerais qu'on fasse un sort à la référence qui est permanente quand on évoque la question des algorithmes de prédiction de la délinquance. Cette référence est évidemment celle à Minority Report. Minority Report a connu un succès extraordinaire avec le film de Spielberg sorti en 2002. Et on y voit comment, dans une société futuriste, puisque le film se déroule en 2054, une unité de police est spécialisée dans le pré-crime pour arrêter les futurs criminels avant qu'ils ne puissent commettre leurs exactions. Bon, Jack, qu'est-ce qu'on a ? Boule rouge, double homicide, un homme et une femme, tueur sexe masculin blanc, la quarantaine. Agatha fixait l'heure du meurtre à 8h04, mais les jumeaux sont plus flous, alors on va attendre confirmation. Le lien est encore incertain. Nous avons les témoins en liaison dès maintenant. Ce sera l'affaire numéro 1108. Les précoques voient un meurtre 4 jours avant. Quoi celui-là, c'est tard? On l'appelle boule rouge. Dans les crimes passionnels, il n'y a pas préméditation, on les découvre tard. Presque toutes nos urgences sont des cas spontanés comme celui-ci. Nous n'avons presque plus de préméditation dans les meurtres. Les gens ont reçu le message. Ah, génial! Une correspondance avec Dwight Kingsley, architecte du 19e siècle. Il a fait 2 douzaines de maisons à Washington. Dans limite, 10 minutes. 10 minutes! Alors, le film est tiré d'une nouvelle de Philip K. Dick, qui est cet écrivain visionnaire, qui a écrit vraiment des quantités de bouquins extraordinaires, Blade Runner par exemple. Mais, Bilel Bembouzid, on pourrait dire que le sens du propos de Philip K. Dick, c'est un peu perdu entre le moment où sort le livre et la sortie du film de Spielberg. Oui, en effet, vous avez raison, je crois qu'il faut évacuer rapidement cette référence à Minority Report. Tout simplement parce que lorsque K. Dick écrit son roman dans les années 70, il dénonce avant tout la répression policière. Donc un mode d'action qui, au fond, anticipe assez mal et qui a comme pour unique stratégie d'essayer d'éviter la délinquance, de la dissuader par un acte répressif assez fort. Et donc c'est ce qu'il dénonce à ce moment-là, et je crois que ce qui est important de noter, c'est que dans le cinéma de science-fiction, on essaye d'analyser une période, la période où on écrit de la science-fiction. Et donc là, il dénonçait les années 70. Et surtout, dans Minority Report, il n'y a pas beaucoup de technologie. C'est vraiment un effet de magie, de jumeaux qui essayent de prédire un crime passionnel. Et là, on verra qu'il ne s'agit pas du tout de magie, il s'agit de calcul. Et, ouais. Anne-Sophie Chavan-Leclerc, vous êtes directrice de l'Institut d'études judiciaires de Lyon, qui voit passer 1000 étudiants tous les ans. De jeunes gens qui vont devenir avocats, qui vont travailler dans les institutions judiciaires. Est-ce que cette référence à Minority Report, c'est quelque chose qui transparaît? Est-ce que c'est un mal nécessaire, une source d'inspiration? Alors, ce que l'on peut dire en tout état de cause, c'est qu'aujourd'hui, il semble que police prédictive, alors chez les étudiants qui préparent notamment les concours de police, d'avocat ou la magistrature, eh bien, c'est la référence de la police prédictive, c'est bien Minority Report. Et chez les citoyens également, il y a une assimilation qui est faite entre police prédictive et Minority Report. Et ça, c'est un état de fait. J'encadre un doctorant qui réalise une thèse sur la police prédictive et qui, avec le Centre des hautes études du ministère de l'Intérieur, a fait une étude sur le ressenti de la police prédictive. Et il ressort en particulier de ses travaux, pour l'instant, sans expliquer ce qui était actuellement, alors par exemple en France, les premiers types de fichiers de police prédictive, il ressortait que la population avait pour référence Minority Report, et quand on leur expliquait ce qui était actuellement, au moins les projets de police prédictive, de fichiers, d'algorithmes en France, ils étaient beaucoup plus accueillants que finalement ils ne l'étaient quand ils avaient la seule référence de ce film. Philippe Besse, est-ce qu'il n'y a pas un problème même avec l'intitulé cette expression de police prédictive, est-ce qu'il ne faudrait pas lui préférer une autre terminologie? Je voudrais dire deux choses sur le film. La première chose, c'est que ce n'est pas des logiciels finalement qui font la prévision, mais des humains dans des bocaux. Et la deuxième chose... Des précogs dans l'histoire de Philippe K. Dick, des mutants en quelque sorte. Voilà. Et l'autre chose aussi, c'est que finalement, l'humain a toujours le dernier mot dans le film, à savoir que jusqu'au dernier moment, il a le libre arbitre, et il peut donner tort à la prévision. Voilà. Donc la prévision n'est pas si bonne. Et sur le terme de police prédictive, je crois que vous préférez utiliser une autre expression. Je préférerais celle du colonel Collig qui a développé le programme français. Qui parle, alors je cherche parce que j'ai oublié la référence, mais je vais la retrouver. Alors je crois qu'il parle, je vais vous aider, je crois qu'il parle de méthode d'apprentissage de la délinquance à partir de méthodes prédictives. Voilà, donc le raccourci police prédictive est facile, mais c'est assez imprécis. Néanmoins, ce qu'il faut retenir dans police prédictive, c'est le mot prédictif. Et ça, c'est important parce qu'on fait de la prévision et... très rarement, malheureusement, on associe ce qu'il faudrait toujours associer, c'est une erreur de prévision à cette prédiction. Parce qu'on a besoin d'une qualité, une mesure de la qualité de la prévision qu'on fait, et cette erreur est très souvent oubliée dans beaucoup de références et dans beaucoup de citations sur ces travaux. La méthode scientifique, Olivier Lascar. À 16h08, vous écoutez la méthode scientifique sur France Culture. Nous sommes en compagnie d'Anne-Sophie Chavan-Leclerc, de Bilel Benbouzid et de Philippe Besse, qui est en duplex depuis Toulouse, dans les studios de nos amis de France Bleu Occitanie. Alors, quand on parle de ces algorithmes qui prétendent détecter les faits de délinquance avant qu'ils ne surviennent, il y a quand même une date qui s'impose, qui est celle du début des années 2000 et qui est associé à un nom, le nom d'un programme, et ce nom c'est celui de Prépol. Prépol, Bilel Benbouzid, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, Prépol est une plateforme analytique qui a été développée par une start-up californienne à Los Angeles et dont l'objectif est de prédire le crime dans l'espace et le temps. Essentiellement des crimes de prédation, cambriolage, vol de voiture, et qui indique sur une carte, sous la forme d'un carré rouge de 200 mètres par 200 mètres, où circuler, afin de conseiller aux patrouilles, de leur recommander des lieux de patrouille, afin de dissuader la délinquance. Ça veut dire que concrètement, les usagers, les policiers qui utilisent ce programme, Anne-Sophie Chavan-Leclerc. Ils ont dans leur voiture un ordinateur sur le siège du passager et ils consultent les petits logos qui apparaissent pour savoir où est-ce qu'il faut se déplacer. Voilà, c'est ça, ce qu'ils appellent les hotspots, si je ne me trompe pas. Alors certains travaillent avec des tablettes, d'autres travaillent autrement, selon. Alors c'est aux États-Unis, c'est aussi développé en Europe. On peut l'avoir sur un smartphone. Voilà. Donc effectivement, ce sont des zones de patrouille, mais comme il existait il y a très longtemps avec des punaises sur un tableau, je crois que. Oui, puisque on parle beaucoup de Prêt-Paul, mais cette thématique de la recherche du crime ou à l'endroit où il pourrait survenir, ça s'inscrit dans un contexte qui est quand même plus ancien. Philippe Bess, est-ce qu'il y a des dates clés à évoquer, des moments particuliers? Je n'en vois pas précisément sur ce sujet-là, mais non, pour ce qui concerne Prêt-Paul, ce qui est apparu, c'est effectivement essayer de passer de l'historique des crimes que l'on visualise sur des cartes à ajouter des outils de prévision de ces crimes. Donc c'est là où il y a eu effectivement une rupture dans les habitudes de la police. C'est pas tout à fait sur ce point-là qu'il y a une rupture, parce qu'en fait, depuis longtemps, les policiers utilisent depuis les années 80-90 des cartes du crime, et dès les années 80-90, on utilise des méthodes de clustering qui permettent plus ou moins de prédire. Méthodes de clustering, c'est-à-dire des méthodes qui permettent de regarder des régularités de l'apparition du crime dans l'espace et dans le temps, et c'est de capter des hotspots, des points. Donc finalement, cette idée de détecter des hotspots, elle date des années 80-90. C'est pas nouveau. Ce qui va être nouveau avec Prêt-Paul, et c'est ça vraiment l'innovation, je crois, c'est qu'ils vont réussir à proposer à la police un truc très simple, qui peut grosso modo fonctionner sur un téléphone portable, une simple application. Avant Prêt-Paul, on a des logiciels qu'on télécharge sur des bureaux personnels, c'est des crime analysts qui font des calculs, c'est laborieux, on sort des cartes, et là, soudainement, vous avez dans le téléphone portable d'un policier l'information où aller patrouiller, et ça semble, pour la police, d'une très grande facilité à installer. Et l'innovation, elle se situe en partie là, et c'est lié en grande partie à l'arrivée du cloud computing, c'est le fait qu'on puisse faire du calcul, non plus sur le serveur personnel de la police, qui a pas pour mission de faire de l'informatique, mais qu'on puisse soudainement se brancher à Amazon ou à Google, qui là vous propose un service de stockage de données, et finalement la police, elle n'a qu'à souscrire à un service de prédiction. Et c'est ça qui va être l'innovation avec Prêt-Paul. Anne-Sophie Chavan-Leclerc, vous avez organisé à Interpol à Lyon, je crois que c'était en janvier 2018, une journée d'études autour de la police prédictive. Est-ce que Prêt-Paul est la référence numéro un qui est citée constamment dans les couloirs ou sur scène pendant ces présentations? Oui, comme vous, à l'occasion de ce colloque, on avait commencé par évacuer les anciennes références qui correspondent plus aujourd'hui à la réalité. Effectivement, Prêt-Paul est la référence, mais d'autres comme Key Crimes, je crois, en Italie, si je ne me trompe pas, qui sont similaires, sont revenus tout au long de la journée. Et il me semble que ce qui est actuellement envisagé en France se rapproche de ce type d'algorithme. Philippe Bess, qu'est-ce qu'on peut dire sur la façon dont fonctionne un algorithme comme celui-là? Finalement, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est l'algorithme ou est-ce que c'est la base de données sur laquelle il travaille? Le plus important, c'est la qualité des données sur lesquelles va apprendre l'algorithme. Et la grande difficulté actuelle, c'est effectivement de savoir si un algorithme de prévision va apporter une valeur ajoutée par rapport à ce qui est fait d'habitude, c'est étudier l'historique de la criminalité. Alors, quelles sont-elles, ces données? Est-ce qu'on peut rappeler, on l'alimente comment, cet algorithme? L'algorithme est alimenté d'abord par l'historique des délits qui sont repérés par leur localisation géographique et par l'heure, la date et aussi le type de délit. Donc c'est cet historique qui commence à alimenter la base. On parle de cambriolage, on parle de vol de voiture. Vol de voiture, tout ça, oui. C'est surtout ces crimes, enfin ces délits qui sont les plus fréquents, qui sont rentrés dans la base de données. Et à ça peuvent s'ajouter d'autres informations comme la météo, comme les caractéristiques socio-économiques du quartier, enfin tout un tas d'informations qui peuvent aider à comprendre, éventuellement influencer la pertinence du modèle sur la prévision. Mais on n'entre pas dans la boîte noire des informations qui sont relatives aux individus. tout ça dépend, en fait. Ça dépend beaucoup de la législation. Je pense que Madame Anne-Sophie Chavon-Leclerc sera plus précise que moi là-dessus. Mais effectivement, en France, il n'y a pas de... Les données personnelles ne sont pas introduites parce que souvent les données personnelles dépendent, enfin, liées à la criminalité dépendent du ministère de l'Intérieur et pas du ministère de, enfin, pardon, du ministère de la Justice et pas du ministère de l'Intérieur. Mais aux États-Unis, on peut tout à fait entrer des données personnelles et avoir pas simplement la prévision de la localisation du crime, mais aussi tenter de savoir le comportement d'individus en particulier. Anne-Sophie Chavon-Leclerc, là, on touche du doigt la problématique des data. On sait qu'on est à une époque où les data sont partout, où on est sous des monceaux, on est recouvert de data. Et est-ce qu'elles peuvent servir notamment à alimenter des algorithmes comme Predpol ? À mon sens, absolument pas. La loi de 78, hein, relative aux fichiers, à l'informatique et aux libertés, à mon sens, interdit l'algorithme et les données personnelles, l'algorithme personnel visant une personne pour l'instant. Après, il y a bien des fichiers actuellement en France qui intègrent des données relatives aux personnes. Le casier judiciaire, par exemple, est évidemment un fichier qui intègre des données sur les personnes. Et on a de très nombreux fichiers, à la fois policiers et judiciaires, qui intègrent des données relatives aux personnes. Mais pour l'heure, tel qu'il est imaginé, le type de données qui peuvent être rentrées dans ces logiciels ne sont aucunement des données personnelles. Bilène Bagouzid, sur les données. Oui, pour être précis, Predpol, c'est volontairement de l'analyse spatio-temporelle. C'est-à-dire qu'il propose seulement d'étudier le crime. Il ne met dans son algorithme que le crime. Ça veut dire que c'est le cambriolage qui prédit le cambriolage. Il n'y a pas d'autres variables. Ça, c'est un point important. D'autres compagnies comme Hunchlab vont utiliser des variables environnementales. Vous faites référence à un autre produit. Ouais, qui s'appelle Hunchlab et qui vient d'être acheté par une autre entreprise. Et donc, il y a plusieurs startups ou plus ou moins grandes entreprises qui vendent ce type de logiciel. La deuxième type de méthode, c'est non plus prédire dans l'espace et le temps, mais c'est d'associer aux individus un score de risque. Et là, c'est une autre méthode. Ça n'a rien à voir. C'est pas les mêmes entreprises qui vendent ça et c'est pas la même histoire. Et donc là, ces méthodes fonctionnent, grosso modo, c'est Chicago qui est la plus célèbre avec les recherches d'un laboratoire de l'Institut Illinois de Technologie. Mais il y a aussi Palantir qui offre une solution de ce type-là. À New Orleans, il y a eu un buzz à cause, il y a eu une petite controverse. Alors, comment ça marche? De quelle était-elle, rappelez-vous? C'était parce que la Nouvelle-Orléans utilisait l'outil de Palantir et le fait que la ville de la Nouvelle-Orléans n'ait pas voulu informé. Alors, il y a eu tout un soupçon de... Parce que l'outil, donc Palantir, et on y reviendra un peu plus tard là dans l'émission, Palantir, c'est un outil qui s'attache aux personnes et non plus aux lieux. Mais ce qui est important, c'est que c'est pas de la magie. Et je trouve que la crainte qu'il y a de ces machines est peut-être un peu démesurée. Comment ça marche à Chicago? Grosso modo, il y a à peu près 8 variables qui permettent de... Grosso modo, on a pris les 400 000 personnes qui avaient été arrêtées une fois ces 4 dernières années. Ces 400 000 personnes qui ont été arrêtées une fois sont rentrées dans un fichier. On les a ensuite associées à 8 variables à peu près, notamment les conditions d'arrestation, si elles avaient une arme à feu ou pas. On a regardé l'âge qu'elles avaient, si elles avaient de la drogue sur elles ou pas, etc. Puis, à partir de cette information-là, on a associé un score de risque, un petit algorithme qui allait prédire si ces personnes allaient récidiver. Mais ce n'était pas la seule innovation. L'innovation, c'est que là-dessus, ils ont fait un réseau de co-arrestation. C'est-à-dire qu'ils ont regardé qui avait été arrêté avec qui. Oui. Et donc, si vous c'est êtes un réseau social, c'est un réseau social du crime dans la ville. Si Monsieur A est arrêté avec Monsieur B, il est lié. Et donc, c'est un réseau. Et comme un réseau, il y a des nœuds dans un réseau. Et plus une personne elle est associée à d'autres, plus elle est importante dans le réseau. Si vous voyez une carte de réseau, le nœud devient beaucoup plus gros. Et donc là, ils ont recalculé le score de risque en fonction de la position dans le réseau. C'est l'idée du page rank de Google, en fait. Hein. Oui. Quand vous faites une requête, la liste des sites qui apparaissent, elles apparaissent en ordre de priorité qui sont liées au fait qu'elles sont liées à des sites qui sont très fortement cités, eux-mêmes étant cités par d'autres qui sont très cités. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ces personnes, elles ont eu des scores de risque associés à la fois donc à ces variables de la situation de l'arrestation et au réseau dans lequel elles sont. Et donc, des personnes qui avaient des scores très faibles, au départ, si elles se trouvaient mal positionnées dans le réseau, avec une certaine proximité avec des délinquants qui avaient un score assez élevé, on voyait leur score remonter. Donc ce qui a fait scandale, c'est que des personnes qui avaient commis des crimes mineurs se retrouvaient soudainement à un score très élevé. Et l'enjeu, c'est qu'une fois que vous avez un score au-delà de 250, entre 0 et 500, la police vous contacte physiquement pour vous informer du score du risque. Soit d'être victime d'un shooting, soit d'une fusillade, soit de commettre une future fusillade. Alors, attention, pour être précis, il faut toujours être très précis avec ces outils. Il s'agit de prédire seulement les fusillades, d'accord, avec ça. Alors que Predpol prédit uniquement les crimes de prédation, c'est grosso modo les vols. Alors, revenons justement à Predpol en tant que grand ancien de ces algorithmes de prédiction. On a évoqué ce qu'il pouvait y avoir dans la base de données. Il y a quand même un point qui est très intriguant avec Predpol, c'est la nature de l'algorithme, puisqu'on sait qu'il a été construit à partir d'un outil qui servait à toute autre chose, Anne-Sophie Chavan-Leclerc. Alors, j'ai pas connaissance de partir de quoi Predpol avait été. Peut-être que Bilal pourrait nous dire un mot. Oui, Predpol est inspiré d'une méthode qui vient de la sismologie. Ah oui, c'était exact. L'innovation de Predpol. Oui, alors je peux peut-être en dire deux mots. Oui, si, oui, oui, volontiers. Ouais, oui, alors c'est, là aussi, c'est pourquoi Predpol a été assez innovant, c'est parce qu'ils ont su récupérer une idée qui était assez ancienne en criminologie, qui consiste à dire le crime se concentre dans l'espace. Mais le crime aussi se propage de proche en proche. Et ça, c'est une théorie qui est née dans les années 80-90, qui est née de la criminologie à partir des données des grandes enquêtes de victimation. C'est-à-dire, on interroge une partie de la population sur le fait qu'elles étaient victimes d'un crime ou pas. On a observé que l'essentiel des personnes ne sont pas victimes de crimes. C'est un phénomène rare, mais que les rares personnes qui sont victimes de crimes sont très souvent victimes de crimes. Ce qu'on appelle la victimation à répétition. Donc le crime se concentre sur une partie de la population, mais en plus de ça, il se répète. Grosso modo, le meilleur moyen, et c'est ce qu'on a découvert, pour prédire un cambriolage, c'est le fait que vous ayez été cambriolé une fois. Donc c'est la seule chose que l'on a. C'est un des meilleurs prédicteurs, en fait, le fait d'avoir déjà été victime. C'est pour ça que Predpol n'a que les catégories, n'a que le crime pour prédire le crime. C'est les régularités d'apparition du cambriolage. Et donc, en sismologie, il se trouve qu'il y a une théorie qui est pas très éloigné, c'est grosso modo, lorsqu'il y a un tremblement de terre, ça crée des secousses, et donc il y a des répétitions du tremblement de terre. Et donc ils sont allés chercher un modèle qui était utilisé par des sismologues, notamment un sismologue français, et ils l'ont réutilisé tel quel. C'est David Marsan, qui travaille à Chambéry. Et d'ailleurs, qui m'a beaucoup aidé à essayer de comprendre ce que faisait Predpol, parce que c'est tout le travail de socio des sciences, et essayer de creuser à fond ce que font ces chercheurs pour comprendre dans l'intimité des machines ce qui se passe. Et David Marsan m'a aidé, il a accepté de réutiliser son propre algorithme, parce que c'était exactement le même. On a les articles scientifiques de Predpol, tout ceci est assez transparent au fond. Le modèle est assez transparent, on n'est pas dans du machine learning très compliqué, très black-noir, type réseau de neurones, on est sur un modèle de physique statistique très simple qui additionne de la concentration et de la contagion. Ce qui est innovant, c'est que c'est non paramétrique, ça veut dire qu'il y a quand même un petit peu d'apprentissage. Philippe Best pourra peut-être nous expliquer mieux ce que c'est, mais c'est pas encore du machine learning. Tel que c'est pas du réseau neuronal volontairement, parce qu'on veut comprendre le phénomène. On veut comprendre que c'est un phénomène où on mesure la concentration et la contagion. Et donc Marsan a reproduit, il a analysé, il a été très critique sur la manière dont son algorithme a été utilisé. On a publié quelque chose dans Mediapart et sur la vie des idées pour essayer de dénoncer. On mettra le lien sur le fil Twitter de la méthode scientifique. Et ce qui ressortait, c'est que visiblement, on a un usage de ces machines qui envisage uniquement de prédire, mais à l'aveugle, sans jamais vraiment essayer de comprendre ce que l'algorithme fait. Donc pour eux, ça prédit et c'est suffisant, grosso modo, avec un certain degré d'efficacité, une certaine précision. Mais on va pas plus loin que ça, on n'essaye pas de comprendre le phénomène, parce que l'enjeu, au fond, n'est pas de prédire, mais bien d'organiser l'administration policière. Alors voilà, en fait, on a l'impression que d'un outil comme celui-là, comme Predpol, ça sert moins à faire ce que c'est censé faire. C'est plutôt un outil de ressources humaines, non, Anne-Sophie Chavan-Leclerc? Je crois ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut être très très vigilant, je pense, sur ce type de fichier. Tant que le fichier reste utiliser des données spatio-temporelles, voire des données relatives aux infractions elles-mêmes, c'est-à-dire à des faits qu'on réutilise simplement pour patrouiller dans une zone. Ça ne pose pas en soi énormément de difficultés, c'est ce que l'homme a toujours fait, c'est ce que le policier a toujours fait. En revanche, quand il s'agit, et l'évolution future qui est à craindre, et peut-être celle-ci, d'utiliser des données, ce qu'on appelle des données sensibles, c'est-à-dire des données personnelles, évidemment, des données biométriques, là, je pense que le risque est patent. On l'a vu dernièrement avec le fichier TESS, par exemple, qui est le fichier des titres électroniques sécurisés. Le Conseil d'État vient de valider Donc c'est un fichier qui est utilisé en France. C'est un fichier qui est utilisé en France, de ce titre sécurisé, avec des données biométriques, alors actuellement uniquement dans les aéroports, pour la contrefaçon des pièces d'identité. Mais néanmoins, ils contiennent des données biométriques. Et actuellement, il est très limité. On peut imaginer que demain, et c'est pour ça notamment des associations type Quadrature du Cercle ont porté une requête du décret de 2016 devant le Conseil d'État, pour dire, voilà, est-ce que demain, ça ne pourra pas évoluer ? C'est un petit peu le détournement du fichier eu égard à son origine. On parlait tout à l'heure de fichiers au départ de tremblements de terre, enfin d'algorithmes. Là, voilà, ça évolue. Donc, il faut être extrêmement vigilant au fait que ce fichier, qui un jour peut-être sera en France prévu par décret, soit limité uniquement à des faits et non à des données personnelles, par exemple, relatives aux individus, hein, tout simplement, leur orientation sexuelle, pourquoi pas leur couleur de peau ou des données sociales. Philippe Besse, quand on a comme ça un algorithme qui prédit le crime en fonction du crime, est-ce qu'on n'a pas un phénomène qui s'auto-entretient et qui est finalement extrêmement pernicieux ? Sans doute, mais je voudrais quand même dire deux mots quand même sur la qualité de ces prévisions, de ce modèle mathématique qui est utilisé, parce qu'il y a quand même un effet leurre. Dans ce qui est mis en avant dans Predpol, c'est le sérieux, entre guillemets, de ce type de modèle et de la complexité de l'estimation des paramètres de ce modèle qui est souvent mis en avance, mais il ne communique que très peu sur la qualité de prévision. Il communique plus sur l'effet sur la criminalité dans la ville plus que sur la qualité de prévision. Et j'ai essayé de chercher des références pour savoir si ceci avait été étudié. Et il y a effectivement une seule référence qui concerne Los Angeles, où le logiciel a été développé. Oui. Donc, ce n'est pas une référence indépendante, ce qui est un peu dommage. Et il nous montre, en faisant une expérience assez complexe, qu'effectivement, leur pratique arrive à diminuer la criminalité. Mais on ne peut pas savoir si c'est dû à la qualité de la prévision ou si c'est simplement dû à une meilleure gestion des forces de police qui sont plus présentes sur le terrain. Cette fameuse gestion des ressources humaines tout à fait, dont on parlait. Mais là, Philippe Besse, vous mettez le doigt sur la question de l'évaluation de ces logiciels, puisque aujourd'hui, on se rend compte que ceux qui évaluent ces logiciels, ce sont ceux qui les fabriquent. Oui, il y a que très peu d'évaluations indépendantes. J'en ai trouvé aussi une autre en Louisiane. Mais en Louisiane, en fait, ce n'était pas l'outil Predpol, mais c'était un outil très, très similaire. Et ils n'ont pas réussi à montrer d'effets marquants de l'utilisation de cet outil par rapport à la pratique usuelle des policiers. Il y a un autre exemple encore de qualité d'utilisation de Predpol, c'est dans le Kent, au Royaume-Uni. Je crois que c'était la première fois qu'un tel logiciel était utilisé en Europe. Voilà, et donc il a été utilisé dans le Kent, au Royaume-Uni, et ils l'ont abandonné en 2018 en concluant que ce n'était pas suffisamment efficace pour leur pratique et leur recherche de la criminalité. Quoi, c'était un peu de l'enfonçage de portes ouvertes. Ça disait aux policiers de se rendre à des endroits où ils savaient qu'il fallait qu'ils se rendent. Où ils avaient l'habitude d'aller, donc ça fait quand même quelque chose qui est cher. Hein. On n'a pas dit les prix, hein. C'est des prix qui sont extrêmement importants. Enfin, il m'a semblé. Hein, c'est variable selon les tailles des villes. Ils font au départ d'ailleurs des prix très, très légers pour vous appâter. Après, ça peut... Je crois qu'à Cannes, ça avait été un des prix les plus impressionnants. J'ai plus l'ordre de grandeur, mais ça avait été très... En tout cas, c'est entre la dizaine de milliers d'euros, oui, et ça peut monter à plus de 100 000 euros. 100 000 euros, oui. C'est ça. Ça met une couche de complexité redoutable sur des choses qui sont finalement assez simples si on considère qu'il vaut mieux mettre des punaises sur une carte. Un point important, donc, cet enjeu d'efficacité, en effet, ce n'est pas la priorité pour eux. Pour la simple raison que, ils ont publié dans JASA un article dans lequel ils mesurent l'efficacité de leur algorithme, ils font une courbe Rock comme à chaque fois, et puis on regarde si... Oui, il faut préciser quand même que tout ça est publié dans la presse scientifique. Philippe mentionnait seulement l'article où ils font un essai randomisé contrôlé, où ils évaluent l'efficacité des patrouilles. En fait, grosso modo, vous évaluez l'algorithme par un test sur le terrain, et vous envoyez les policiers là où l'algorithme a prédit quelque chose, et dans d'autres zones où vous envoyez les policiers là où il n'a pas été prédit quelque chose, ce sont les analystes qui ont fait des prédictions. Ils ont montré que l'algo était plus efficace que les analystes lorsqu'on les envoyait sur les zones. Donc c'était un essai randomisé contrôlé. Mais avant ça, ils ont fait un article dans JASA dans lequel ils testent l'algo. C'est celui-ci qui nous a servi à David Marsan et moi à essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Donc en effet, l'efficacité, elle est meilleure que d'autres algos, grosso modo. C'est ça qui compte pour eux. Jusque-là, on avait des, ça s'appelle des kernels, on avait des modèles paramétriques. Et donc, eux, ils montrent qu'avec un modèle non paramétrique, ils font mieux qu'avec les modèles paramétriques. Donc, c'était ça l'enjeu pour eux. C'est-à-dire, on est meilleur que ce qui se faisait jusqu'à présent. Mais en fait, l'efficacité n'est pas l'enjeu. Et ça, ils l'ont bien compris. Au départ, ils ont fait ça. Faut savoir qu'un projet d'innovation, on sait jamais trop où on va quand on le fait. Donc, ils le font près de Paul. Et quand je vais aller voir, il y a à peu près 3-4 ans à Los Angeles, ils savent pas encore trop ce qu'ils vont faire. Ils ont juste ce dashboard et ces carrés rouges. Mais en fait, pour que ça puisse intéresser la police, ils vont développer le logiciel d'une manière très spécifique pour que ça serve à la police. Alors qu'en effet, ça sert pas du point de vue de l'efficacité, mais ça va servir à la police pour organiser les patrouilles. Et là, ils vont rajouter des choses dans l'algorithme. Et c'est là que ça va devenir passionnant. Ils vont découvrir, grosso modo, qu'une fois qu'on passe dans un carré rouge, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça qui est compliqué. Ce sont des cartes avec des carrés rouges de 200 mètres par 200 mètres. Le policier passe là, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il arrête toutes les personnes qui passent dans le carré rouge? Non, évidemment pas. Donc là, ça avait été un des problèmes. Alors, ils ont craint au départ que les policiers reviennent avec des box stories, ça veut dire avec des histoires de box. On commençait à raconter, ah, je suis passé dans la box et j'ai vu quelqu'un regarder dans la vitre d'une voiture, je l'ai arrêté, et en plus, l'algorithme avait prédit un vol de voiture. Donc ça ne plaisait pas au commandant de police qui me racontait, bon, on va y avoir un effet pervers, ça va pas. Donc l'idée a été ensuite de se dire... Il avait peur du hashtag histoire de boxe. Ouais, voilà, peut-être. Et en fait, ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont découvrir grosso modo que si les policiers passent seulement 5% de leur temps dans ces boxes, en conduisant seulement, grosso modo, c'est l'idée, vous passez dans la police patrouille en quotidien, mais ça se trouve, elle est en train d'être au feu rouge, de dissuader un crime, mais elle ne le sait pas. Donc là, on passe dans le feu rouge, une fois qu'on est passé une fois dans le carré rouge, une fois qu'on passe dans le carré rouge devient un rond vert. Et une fois qu'on a passé 5% de son temps journalier dans le rond vert devient un rond jaune. Et là, grosso modo, le policier n'a plus besoin de passer dans ce secteur-là. Et pourquoi ils font ça? Parce que ils ont un projet, les Américains, c'est de rendre leur police proactive. Ce qu'on n'a pas en France. Ce qu'on n'a jamais eu en France, vraiment, officiellement. On a eu un peu parlé de police de proximité, mais légèrement. La police française n'a pas le projet technoscientifique des polices américaines et surtout le projet de rendre la police proactive. Et donc, dans les années 60-70, on découvre grosso modo que la police ne sert à rien. Les grands experts disent, oh, c'est un des secrets les mieux gardés, c'est que la police ne sert à rien. Comme vous y allez. Et donc, il faut la rendre proactive. C'est comme si vous demandiez aux pompiers de devenir des experts de la prévention des incendies. Alors, ils le sont quand même, mais que ça devienne l'essentiel de leur activité. Et donc, c'était ça l'enjeu. Et donc là, il va y avoir un mouvement de réforme de la police qui va consister à dire comment rendre la police proactive. Et donc, plein de catégories de police vont émerger. Community policing, hotspot policing, intelligence-led policing, et plus récemment, predictive policing. Et c'est dans ce mouvement de catégories de réforme que va émerger la police prédictive. Mission Control, par les Dandy Warhols, à 16h30 sur France Culture. On parle de police prédictive, mais faut-il vraiment l'appeler comme ça? Nous sommes avec nos invités Anne-Sophie Chavan-Leclerc. Vous êtes maîtresse de conférence à la faculté de droit de l'université Jean Moulin Lyon 3, directrice de l'Institut d'études judiciaires de Lyon, directrice du Master 2 Sécurité intérieure et avocate. Bilel Benbouzid, sociologue, maître de conférence à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée, au laboratoire interdisciplinaire Sciences, Innovation, Société. Et depuis Toulouse, dans les locaux de France Bleu Occitanie, nous sommes avec Philippe Besse, professeur à l'Institut National des Sciences Appliquées, l'INSA, de Toulouse, au département de génie mathématique et modélisation. Et la France dans tout ça? On a parlé des États-Unis, de l'usage qui pouvait être fait là-bas de ces logiciels pour prédire les faits de délinquance. Bilal Benbouzid, vous avez cité tout à l'heure Palantir. On peut revenir un petit peu dessus, notamment pour dire que Palantir est arrivé en France en 2016, après les attentats de 2015. Ils ont réussi à signer un contrat avec la DGSI. Mmh. Oui, bon, c'est assez secret. Je n'ai pas pu vraiment enquêter sur ce que faisait la DGSI avec Palantir. Mais ils ont un outil qui est assez fascinant, il s'appelle Gotham. C'est une espèce de... Gotham, oui, c'est une machine fascinante parce que grosso modo, ils proposent aux administrations policières un Google dans leur service administratif. C'est-à-dire que vous avez vraiment la même chose que Google, une espèce de barre blanche dans laquelle vous mettez un mot et ça vous sort d'informations comme si vous étiez sur Google, mais sauf que la base de données qu'il y a derrière ce moteur de recherche, c'est les fichiers de la police. Et c'est à partir de ça que je crois, peut-être, la DGSE travaille. En tout cas, si c'est Gotham, mais on n'a pas beaucoup d'informations. D'accord, Gotham, les Batmaniens apprécieront. Palantir a aussi approché la gendarmerie nationale, mais la gendarmerie nationale a dit non, expliquant qu'elle préférait développer des solutions propriétaires. Antoine Beauchamp, vous êtes justement allé rencontrer des représentants de la gendarmerie nationale qui vous ont montré un logiciel d'aide à la décision pour mieux anticiper les cambriolages et les vols de véhicules. Oui, bonjour Olivier, bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai rencontré donc le colonel Laurent Colorigue qui m'a expliqué le fonctionnement de ce logiciel nommé PAVED qui permet non pas de prédire mais de prévenir les vols ou les dégradations de véhicules et les cambriolages. En se basant sur des statistiques passées des délits en question, les gendarmes mettent en place des patrouilles plus importantes dans les zones où il y a de plus grandes chances que ce type de délit soit commis. Le logiciel PAVED a pour l'instant été testé dans 11 départements et le colonel Colorigue nous explique donc comment ce logiciel a été pensé et les raisons pour lesquelles il pourrait être à terme utilisé au niveau national. Alors c'est un logiciel qui est basé d'abord sur la connaissance que l'on a de notre secteur de travail, la gendarmerie. La gendarmerie, c'est 95% du territoire, 50% de la population. Donc on a énormément de données du passé sur lesquelles on peut s'appuyer pour arriver à déterminer quel est l'endroit qui est le plus sensible au moment où on s'intéresse à la question. Et ce logiciel, à partir des données qu'on y a rentrées, qui sont des données factuelles, uniquement des données factuelles, c'est-à-dire toutes nos connaissances sur les cambriolages dans les années précédentes, ce logiciel nous permet de déterminer, à un temps donné, sur une période donnée, quelles sont les zones à risque de cambriolage ou d'atteinte liée au véhicule dans les jours à venir. Alors, est-ce qu'on peut parler ici de police prédictive ou pas ? Nous, on ne parle pas de police prédictive. C'est un outil que l'on met pour que les responsables opérationnels de la gendarmerie prennent leurs décisions en toute connaissance de cause. C'est un outil supplémentaire qu'ils ont à leur disposition pour évaluer un petit peu l'organisation de leur service au quotidien. Ça n'est pas du prédictif. Le prédictif nous contraindrait. Et pour l'instant, je ne connais pas d'outil qui va nous donner l'adresse du cambriolage qui va avoir lieu demain. Vous êtes sur la page d'accueil du logiciel, vous voyez deux écrans différents. Un écran à gauche qui est plutôt un écran statistique, qui nous permet, en fonction des index déterminés par l'Observatoire national de la délinquance et de la réponse pénale, de déterminer un petit peu l'évolution par index et par département de cette délinquance. Et l'onglet de droite, celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'onglet sur lequel on peut accéder et on peut avoir, en se projetant, une carte de chaleur des risques de cambriolage ou d'atteinte liée au véhicule au niveau national. Quand je parle du niveau national, j'inclus les départements et territoires d'outre-mer. L'opérateur, le décideur opérationnel de la gendarmerie, va sélectionner en haut à droite un créneau de date dans lequel il veut se projeter pour voir comment il va organiser son service. Donc il faut que ce soit un créneau de date proche du jour où on se trouve, puisque le logiciel est alimenté par les cambriolages des dernières années, mais aussi des derniers jours. Donc par exemple, voyons voir ce qui va se passer le week-end du 8 et 9 décembre, par exemple, hein, en termes de cambriolage au niveau national. Et assez rapidement, la carte vous donne des zones de chaleur. Donc en fonction de là où le décideur opérationnel se trouve, hein, si je clique ici par exemple, voilà, vous voyez que vous avez différents points rouges. Alors nous, on est des gendarmes. Mmh. On fait ce qu'on appelle un contrôle de zone, c'est-à-dire qu'on ne va pas se mettre devant l'adresse que nous signale le point rouge, mais on va plutôt patrouiller dans la zone, c'est-à-dire on va se montrer visible pour dissuader la commission de l'infraction. Voilà. Donc le décideur opérationnel va voir que dans cette zone-là, par exemple, il y a... On est aux alentours de Dijon, voilà, sud-sud-est de Dijon. Il y a des risques de cambriolage. Donc il va pouvoir décider de prendre en compte ces données-là et d'organiser son service en fonction de ces données-là. Alors là, on est bien d'accord, c'est pas du tout pour qu'il y ait plus de flagrants délits qui soient réalisés, mais c'est au contraire dans un souci de prévention que ce logiciel existe. Alors, comprenons-nous bien, notre métier n'est pas de laisser se commettre l'infraction, mais d'empêcher qu'elle ne se commette. Donc, c'est pas un logiciel pour faire du flagrant délit, c'est un logiciel qui est destiné à sécuriser la population et notre zone de compétence. Le flagrant délit, c'est très dangereux. On ne sait pas quelle est la détermination de la personne qu'on a en face de nous, quels sont ses moyens, si elle est armée, ça peut provoquer des blessures pour les gens qui sont autour. Non, non, nous, on est là pour empêcher à ce que les infractions ne se commettent. Ce qui est un petit peu des, entre guillemets, résultats, aujourd'hui, cette utilisation du logiciel de prévention, disons, quels sont-ils ces résultats? Comment, voilà, vous chiffrez un petit peu ces résultats? Est-ce qu'il y a un retour positif, en tout cas, sur l'utilisation du logiciel? Alors, il y a un retour positif, d'abord en termes d'acceptabilité, à partir du moment où ce logiciel ne s'impose pas à la décision, mais aide à la décision. C'est-à-dire que le responsable de la gendarmerie sur le terrain garde la main sur 100% de son pouvoir décisionnaire. Voilà. On ne va pas le contrôler par rapport au logiciel. Ça, c'est important. Contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays. À partir du moment où on a une bonne acceptabilité, on a forcément une bonne utilisation du logiciel. Ce que je peux vous donner, donc il a été en expérimentation que dans 11 départements, donc on n'a pas un résultat national. Ce que je peux vous donner, c'est qu'en moyenne, dans ces 11 départements, sur les premiers mois de l'année, la baisse de la délinquance a été supérieure, pour ce qui concerne les cambriolages et atteintes liées aux véhicules, par rapport à la baisse de la délinquance observée en zone gendarmerie sur la même période. Au-delà de l'aspect prospection, ou en tout cas prédiction, même si vous n'adoptez pas ce terme-là, vous pouvez aussi, grâce à ce logiciel, avoir une lecture du passé et en comparaison avec les données du logiciel. L'intérêt d'essayer de se projeter dans l'avenir, c'est de prendre en compte les leçons du passé. Donc ce logiciel nous permet de comparer les projections que nous avions faites sur une période donnée et de les comparer aux faits qui se sont réellement produits, aux cambriolages notamment, qui sont réellement produits. Si je sélectionne alors une date n'importe laquelle, on va aller au mois de septembre par exemple, sur cette semaine-là du mois de septembre, je peux retrouver les projections qui avaient été faites par le logiciel, hein, sur les cambriolages notamment, et je peux les comparer aux cambriolages qui se sont réellement réalisés. Vous pouvez remarquer que les zones qui sont déterminées en projection correspondent quasi exactement, hein, vous pouvez en attester, aux zones de cambriolage constatées. Et si je fais une évaluation de ma projection par rapport à la réalité des faits, donc il y a un petit onglet ici sur lequel je clique, sur cette semaine-là, 3088 faits avaient été anticipés, 423 faits ne l'avaient pas été. Ce qui veut dire que sur cette semaine-là, le logiciel avait anticipé 87% des faits. Je vais quand même modérer mon propos. Nous avions anticipé 87% des zones où se sont passés les cambriolages. On n'a pas les adresses des cambriolages. Je précise quand même. Voilà. Aussi, quand on pense, entre guillemets, police prédictive, on peut éventuellement se faire du souci pour nos données personnelles, etc. Qu'en est-il dans ce logiciel PAVED? Quelles données sont recueillies? Alors, il n'y a dans ce logiciel absolument aucune donnée personnelle, ce ne sont que des données factuelles. Nous n'avons pas le droit d'utiliser des données personnelles pour créer ce genre de logiciel. Donc on a utilisé que des données factuelles, de données que nous disposions, hein, sur des dates et des lieux de cambriolage, rien de plus, et aucune donnée personnelle. Voilà, l'algorithme Paved, ou quand la gendarmerie française marche sur les traces de Minority Report. Anne-Sophie Chavan-Leclerc, peut-être une réaction à ce qu'on vient d'entendre ? Oui, quelques réflexions que m'inspirent les propos du colonel. Donc, il nous confirme que Paved, on le savait déjà, eh bien, utilise des données donc factuelles du passé pour, alors pas tout à fait prédire, mais prévenir un peu la délinquance et la délinquance au regard des vols exclusivement hein, des biens. Le colonel évoque une certaine efficacité. On peut peut-être douter un peu quand même de cette efficacité. C'est un peu quand on a mis en place énormément de vidéos. Protection de caméras, on s'est dit, oh là là, c'est très efficace, on a fait des statistiques, puis on s'est aperçu de l'effet plumeau, en fait, de la délinquance, c'est-à-dire que, connaissant l'endroit des caméras, elle s'est un peu déplacée. Là, la question peut aussi se poser de savoir si des délinquants, des hackers, peut-être, pourquoi pas, connaissent, alors attention, ça, on pourra parler aussi de sécurité, hein, de ce type de matériel, mais connaissent ces techniques et peut-être ces zones et se déplacent en même temps, finalement, que les zones rouges. Ça, c'est une première interrogation. La deuxième, il est parlé de l'aide décisionnelle, de l'aide à la décision. Oui, c'est certain, mais de quelle décision parle-t-on ? De la décision d'aller patrouiller simplement, pour l'instant. Voilà. Hein, et pas de la décision d'appréhender. Et là, on est très loin de Minority Report. Et quand le colonel Coloring nous parle de son métier qui est d'empêcher les infractions, oui, certes, c'est une des missions de la gendarmerie et de façon générale de la police judiciaire, c'est la prévention. Mais il y a aussi l'aspect, quand même, réaction à la flagrance. Donc, je pense que le métier n'est pas seulement d'empêcher, il est aussi, une fois qu'il y a une flagrance, d'intervenir. Alors, il se trouve que ces logiciels ne doivent en aucun cas, mais c'est ce que nous dit exactement le colonel de gendarmerie, ne doivent en aucun cas permettre ne serait-ce qu'un contrôle préventif de l'identité d'un individu se trouvant dans la zone. Le droit actuel ne le permettrait de toute façon pas, puisque actuellement, pour faire un contrôle d'identité, il faut que... On est en préventif, hein, de toute façon. Ça existe dans le droit français, bien entendu, les contrôles préventifs, il n'y a pas que des contrôles judiciaires. Mais il faut au moins qu'il y ait des circonstances concrètes. Par exemple, la jurisprudence de la Cour de cassation nous dit que la simple référence au plan Vigipirate ou à la recrudescence des vols de scooters dans une zone, pour trouver un exemple similaire, ne suffit pas. Il faut absolument établir, rien que pour contrôler l'identité, hein, et bien que la personne dissimule un sac ou a une attitude... voilà. Il faut concrètement bien expliquer cela, sinon le contrôle serait absolument nul. Philippe Besse, une réaction à ce reportage ? On peut préciser qu'avant ce déploiement de Paved, la police et la gendarmerie avaient testé un autre système dans l'Oise qui s'appelait Prêt-Vol sur les vols de voitures et qui a montré qu'il ne servait pas à grand-chose de rajouter des outils de prévision sophistiqués comme l'a fait Prêt-Vol aux États-Unis, mais que finalement, comme ça a été fait dans Paved, l'historique des vols est une bonne prévision, est une prévision par persistance qui est tout à fait raisonnable. Donc en fait, des outils simples et facilement accessibles et transparents et compréhensibles par les utilisateurs sont raisonnables et peuvent être déployés. Là, on pose le problème de la preuve, en quelque sorte. Aujourd'hui, l'ADN, par exemple, constitue une preuve. Dans quelle mesure ces logiciels pourraient-ils demain constituer des preuves ? Peut-être Bilal Bembouzine. Je sais pas constituer des preuves, mais c'est l'idée de. C'est un vrai débat en ce moment aux États-Unis. Est-ce que une recommandation faite par un algorithme justifie pour un policier donc de faire un contrôle dans l'espace public ? Et donc là, il y a un débat aux États-Unis. C'est le débat sur qu'est-ce qu'on fait de ces prédictions. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est pas un enjeu d'efficacité. Et je pense que la gendarmerie a tort de se poser ces questions d'efficacité. Il faut leur rappeler que la police aux États-Unis a une politique publique très spécifique qui n'est pas celle des gendarmes en France. Et donc, quand on importe des technologies prédictives des États-Unis plus ou moins et qu'on les met en France, et d'un coup, on trouve que ça marche pas, on se pose plein de questions, on sait pas trop quoi en faire, parce qu'en fait, on les a sortis d'un contexte historique qui n'avait rien à voir avec celui de la police française. Donc, c'est un des effets de l'impérialisme américain qui nous fait circuler des catégories, et puis qu'une fois qu'elles sont ici, on les sent dans un autre contexte, et puis on fait « Oh, qu'est-ce qu'on fait avec ça ?» C'était un peu j'observais les policiers dans ces situations-là, c'était assez rigolo. Et bon, aux États-Unis, c'est pas ça. C'est, on a le Comstat, on doit faire une optimisation de l'activité policière, il faut que la police, elle coûte pas cher, on sait pas comment faire pour contrôler nos policiers sur le terrain. Avant, on avait des quotas de stop and frisk, c'est des quotas de palpation, de contrôle dans l'espace public et de palpation. C'était la seule manière qu'on avait. C'est-à-dire qu'on disait aux policiers, tu rentres au commissariat et tu me dis combien tu as fait de contrôle dans la journée. C'était la seule méthode pour être proactif. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'autre stratégie. Donc, Predpol va apparaître comme une solution beaucoup plus douce pour se dire, bon, on va enfin être proactif, on va enfin aller être au bon endroit, on va enfin faire cette offre de vigilance quotidienne qu'on doit donner à la population. Et donc, on va passer dans ces carrés et on va être dissuasif un certain temps et on va peut pas aller partout où la prédiction a été faite. Et alors, on va mettre un ordre de priorité dans ces apparitions des risques. On va mettre souvent une notation en termes de coûts, en dollars, par exemple. On va plutôt envoyer vers un cambriolage plutôt que vers un viol, parce qu'en fait, le cambriolage coûte peut-être un peu moins cher que le viol, mais il est un peu plus efficace en patrouille que le viol. Donc, on va faire des priorités. Ça, c'est très intéressant aussi. Ce sont d'autres métriques qui sont ajoutées dans les machines. C'est-à-dire que, finalement, l'algorithme devient une sorte de catalyseur qui permet de déterminer quelle est la politique de oui, police dans une ville donnée. L'algorithme intègre des critères de politique publique, c'est ça qu'il faut dire. Il y a une espèce de politique et de morale qui sont mises, les deux sont mises dans l'algorithme où on va, grosso modo, définir les politiques publiques de sécurité et les priorités qu'on doit mettre en avant. Et c'est pas juste une affaire d'efficacité, c'est une affaire de où est-ce que j'envoie ma patrouille? Est-ce que je l'envoie dans ce quartier ou pas ici? Et puis ensuite, il y a un autre enjeu, c'est qu'est-ce que je fais une fois que je suis sur ce terrain? Est-ce que je fais de la dissuasion par présence ou est-ce que je fais de la palpation ou pas? Et c'est là qu'il y a un enjeu qui est en ce moment un débat juridique aux États-Unis par les professeurs de droit, ils se posent la question. Donc grosso modo, si un chien renifle vos valises et sent de la drogue, est-ce que ça justifie d'ouvrir une valise pour la fouiller? Oui, parce que le chien a été certifié. Il a un certificat d'apprentissage. Alors les jurys se demandent, une machine qui recommande un contrôle, est-ce que ça vaut mieux qu'un chien ou pas? Le cerveau du chien, il est bayésien, il calcule lui aussi par essai-erreur, il apprend progressivement. Ça peut un peu ressembler à ce que fait du machine learning. Donc il y a ce débat-là. Et donc la question est en ce moment de se dire, en fait, on va plutôt introduire des métriques dans ces machines qui calculent le nombre de faux positifs acceptables. Ça veut dire combien de fois est-ce que la police a le droit, grosso modo, de faire un contrôle qui n'est pas fructueux dans une journée. L'idée, c'est que la police n'a pas d'autre choix que de faire des contrôles. Il y a des conditions de soupçon raisonnables ou pas, mais en tout cas, il en faut pour produire de la sécurité. Mais il en faut un certain coût. Et donc, il pense intégrer dans la machine un optimum de contrôle non raisonnable, un optimum de contrôle dans la population. Et une fois qu'on a dépassé ce contrôle-là, on stoppe le contrôle, même s'il y a des risques associés. C'est-à-dire que ce qu'on va mettre en jeu dans ces algorithmes, ce sont des métriques de mal commun nécessaire. Jusqu'à quel point la police, elle peut faire des contrôles dans l'espace public. Et ça, ils pensent pouvoir le calculer et l'intégrer sous la forme de métriques. Ça va être une des manières de gérer ces algorithmes. Philippe Bess, ces sujets-là nous entraînent sur la thématique de l'éthique, et surtout de l'éthique dans l'intelligence artificielle, finalement, qui est une problématique dans laquelle on baigne en France en ce moment, particulièrement depuis le rapport de Cédric Villani en mars dernier. Oui, tout à fait. C'est en fait tout le développement de l'intelligence artificielle actuellement a besoin d'une certaine acceptabilité. Et tous les responsables politiques sont tout à fait conscients que pour faire accepter cette nouvelle technologie, il faut qu'elle soit présentée avec un cadre éthique suffisant et raisonnable, de façon à éviter d'inquiéter les personnes. Et quand on réfléchit à ces questions-là, on se rend compte effectivement il y a des grandes questions liées à l'utilisation de l'intelligence artificielle, qui sont celles de la sécurité et la confidentialité des données, bien sûr, mais aussi celles du risque de discrimination dans certaines décisions, lorsqu'il s'agit de l'accès à l'emploi, de l'accès à l'assurance, de l'accès à la santé, ou de l'accès à la justice, ou à la sécurité policière. Donc ça, c'est le deuxième point. L'autre point aussi, c'est lié à la transparence et à l'explicabilité. Une décision qui n'est pas explicable, eh bien, pose des questions, notamment dans le droit, puisque le RGPD, le règlement européen... Le fameux règlement qui est rentré en action il y a peu. Hein. Tout à fait, depuis avril. Et les trois lois informatique et liberté qui sont associées, qui sont conjointes avec ce RGPD, finalement... attribue un droit à l'explication aux individus que nous sommes soumis à des décisions algorithmiques. Donc ces logiciels de prédiction des faits de délinquance peuvent générer des faits de discrimination d'individus ou de groupes ? Anne-Sophie Chavant-Leclerc, la discrimination de groupe en France, est-ce que ça existe aux yeux de la loi ? Bien sûr. Enfin, du moins, ça existe, c'est interdit, bien entendu. Et là, on parlait, le professeur Besse parlait il y a un instant de la loi de 78 et de son actualisation, notamment avec la loi du 20 juin 2018, suite au RGPD. Et là, on voit bien écrit actuellement dans la loi que, par exemple, le profilage est interdit en tant que tel, sans le consentement de l'individu qui le concerne. Donc, on voit bien que la loi a à cœur de respecter les grands principes chez nous applicables, à savoir la finalité du traitement, sa légitimité, sa proportionnalité, le respect des droits, effectivement également l'interdiction de toute discrimination. Mais tout à l'heure, on parlait du système américain, du système juridique américain, et il faut bien réaliser que c'est pas du tout la même chose chez nous. Hein. On essaye de transposer des logiciels, encore qu'on en est très loin des logiciels américains, mais le droit qui s'applique, et notamment les pouvoirs de la police, sont complètement différents aux États-Unis. Ils peuvent intervenir bien en amont. Le projet politique ouais. de la police aux États-Unis n'a rien à voir avec le projet politique qu'on a pour la police en France. Ah bah c'est tout à fait exact. On a entendu tout à l'heure parler le colonel Coloring, et on voit à quel point il est très prudent. Tout le droit français, depuis très longtemps, a vraiment à cœur d'intervenir après les actes préparatoires. Chez nous, normalement, on intervient au moment de ce qu'on appelle le commencement d'exécution. C'est la base de la tentative. La tentative existe à partir... C'est-à-dire que c'est le moment où on peut appréhender un individu, logiquement. C'est la flagrance, elle est là. On parlait tout à l'heure, c'est le fameux commencement d'exécution. On ne peut, a priori, pas intervenir. Enfin, on ne peut pas intervenir au moment des actes préparatoires. Donc ici, on voit bien que dans le fameux iter criminis, le chemin du criminel, il y a un moment clé où on peut intervenir, c'est ce commencement d'exécution. Et ces logiciels voudraient nous faire intervenir avant. Alors, si c'est que simplement du patrouillage, ça ne pose pas de difficulté, surtout si le patrouillage n'est pas axé vers un homme. Hein, si c'est vers un lieu, il n'y a pas de difficulté, semble-t-il. Mais si on est sur un homme, sur une surveillance humaine, voire sur une intervention de la police pour le contrôler, voire pour l'appréhender, là, évidemment, on est complètement en contrariété avec le droit français. Mais quand on voit toutes ces différences, justement, entre la France et les États-Unis, on peut même se poser la question, est-ce que c'est pertinent d'essayer d'adapter ces logiciels à la France ? Bilal Benbouzid. Moi, je pense qu'il n'est pas très pertinent d'essayer de les importer comme on le fait en ce moment. C'est, d'ailleurs, on est complètement enfermé dans le sentier de dépendance. Là, on fait une sorte de photocopie. Il faudrait trouver un autre chemin. Il y en a plein. C'est ça qui est dommage. Il y a des super travaux. Par exemple, il y a des chercheurs qui ont montré qu'au lieu de s'intéresser à ces hotspots, on ferait mieux de regarder des phénomènes d'efficacité collective des quartiers. Et de là, c'est d'autres manières de faire apparaître des signaux, qu'il y a des signes de désorganisation sociale par endroit. Il y a des choses qui ont été faites, même d'ailleurs aussi aux États-Unis, à Chicago. On a nos propres manières de comprendre le crime en France qui pourrait faire l'objet de recherches et d'innovations pour créer des dashboards aussi, pourquoi pas. Il y a plein d'autres manières d'envisager l'usage du big data dans la police. Et là, pour l'instant, ce que je vois, c'est surtout qu'on est pris dans le sentier de dépendance. Pourquoi ? Parce que c'est un marché, en fait, aussi. Hein. Il y a un effet marketing. Et donc, la police... Il y a un effet marketing immense. C'est un enjeu marketing. C'est un marché qui est derrière tout ça, avant tout. Et ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que... on a l'impression qu'on va s'en sortir parce qu'on va créer des algorithmes qu'on va rendre justes. C'est un peu la rhétorique en ce moment. Par des calculs qui vont pouvoir limiter la discrimination. Philippe Besse connaît mieux ça que moi. Mais ce n'est pas que ça. Il faut construire le problème public de la police prédictive par-delà des enjeux de calcul. C'est aussi des enjeux de gestion du travail, le travail de la police, et puis plein d'autres enjeux. Oui, c'est le rêve cybernétique d'atteindre l'harmonie sociale par le calcul, vous disiez oui. dans un entretien que j'ai consulté pour préparer cette émission. Ce sont sur ces mots, hein, il faut... inventer des logiciels, des algorithmes de prédiction de la délinquance made in France. Sur ces mots que nous terminons la méthode scientifique du jour. Nous étions avec Anne-Sophie Chavant-Leclerc, Bilal Benbouzid, Philippe Besse, qui était en duplex depuis les locaux de France Bleu Occitanie à Toulouse. Nous les remercions. Merci également à l'équipe de la méthode scientifique, Ève Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Céline Lozen et Tom Amdenstock. À la réalisation, c'était Olivier Bétard. À la technique, Amine El Mansari. Demain, dans la méthode scientifique, nous nous interrogerons. Après tous les cas de fraude dans la biologie française, y a-t-il un problème avec cette discipline ? Et puis, demain matin, à ne pas rater, un rendez-vous à 9h dans la Fabrique de l'Histoire, un document exceptionnel de Victor Massé de l'Épinay enregistré en Afrique du Sud sur Littlefoot. Littlefoot, c'est ce squelette d'Australopithèque qui a été trouvé à proximité de Johannesburg. Quant à nous, eh bien, nous nous retrouvons à 16h demain, jusqu'à preuve du contraire.